B.O.N. C'est pas une vie. J'ai déposé mes armes, Marne est partie. Dommage, je me battrai pas, Dieu le paradis. Mes six larmes sont jamais sains, ma vie sans sable, non sensible. Y'en a beaucoup qui percent, mais sans slip. Moi c'est B1, mec simple, un peu vicieux, j'ai plusieurs disciples. Dis que ça dans ses rimes. Dis pas ça, moi cela me prend au trip. Le respect ne s'obtient pas que par le fric. C'est un long cru, où sont-ils disparus? Avance avec ses vraies sauces. C'est mieux qu'avec une caille et ses sosies. Toujours trop de soucis pour sourire. Même si je me force, ça forge le moral. L'humour a pas le temps, je m'y efforce. Et quand je me ressource, je suis très loin d'ici. Sur ma plage avec PR, au studio avec le Rusvi. Je défonce les lignes de mon cahier. Pour ceux qui passent l'hiver dehors à se les cahier. Pas de frigo, au début c'était le lait cahier. Je voulais rentrer à ce bré, mais ma puce m'a aidé à tout endurer. C'est sûr, nouveau départ, adieu les crevards. J'avance et reparti, sans que ma fratrie, mes frères meurtris. Ça aussi faut en faire le tri. C'est triste à mer glauque, un signe à la main, le bloc en l'air. Ça tire, mais je baisse toujours les flics et toute leur filière. Ma tête une fourmilière, vénère plus autant qu'avant. On s'adoucit, avec les levées, c'est comme le linge avec la lavande. J'invente pas le bonheur, j'entrevois. Ça compte pas de la merde comme entrevue. C'est entre vous et moi, c'est entre vous et moi. C'est ma vérité, moi après moi, mon histoire, mes versets. J'espère un jour bercer mes mômes et voir de l'amour dans leurs yeux. Trop d'hyènes, rendre mes sauces amères pour un coup de queue. Dans mon quartier, pour qui avoir un coup de cœur, c'est impossible. La jeunesse est cruelle et impassible. B1, ma gueule sans pression. Perdre son prétention, c'est pas le style de la maison. On pense tous à son passé, des raisons. Mes raisons pour mes erreurs m'appartiennent de toute façon. Des frissons parcourent la colonne. Je suis perdu dans une putain de situation. Le mal-être est ma seule accusation. C'est pas une vie, toujours la même, on a perdu l'envie. On se livre, on évite le pire. J'avance pour ceux qui m'aiment. Et je me démène pour mes proches et mon emblème. C'est pas une vie, toujours la même, on a perdu l'envie. On se livre, on évite le pire. J'avance pour ceux qui m'aiment. Et je me démène pour mes proches et mon emblème. On regarde de notre monde, on peut pas se réjouir. Je réagis souvent violemment, t'as vu. Depuis combien de temps ta femme a pas joui? Joie et tristesse, c'est ça dans les tests. Dans ma tête, bonheur éphémère, alors je profite effectivement. Mais on est mal barré. Si t'hérites pas, sans barre, t'es rempart. Si t'es de barrette, c'est pas en main. Mon compte en banque ne monte jamais haut. Faut que des chèques je ramène. M'amène, péripéties perpétuelles. Les mêmes putes et les mêmes lance-bas. J'en sors pour avancer un peu dans ma thérapie. Très rapide quand je rappe, tout est limpide. Coup de bud, ramenage, crasse ton liquide, le DAS, pas compris dans le contrat. Protège-toi, ou sinon tes jours tu compteras. Mon constat, c'est une vie trop dure, pour une fin difficile à endurer. Pour ma parole que si un jour je vends, je ferai pas des clips de merde pour que des pétages du 15 pistes kiffent sur moi. Sûr de moi, peut-être trop parfois, et mec, personne n'est parfait. Parcimonie, entre le vice et la gentillesse, je participe et je prends des risques pour quelques centimètres. Ma team, mes maîtres, on m'almène. Les autorités, juges, avocats, jurés, jugés sur nos têtes, nos casiers. Car c'est un fait, tête cramée, tu l'as pas. On reconnaît entre rapaces, les rares places, on me chante bien. Chez moi avec ma puce, mes potes ou Mike à la main. C'est pas une vie, toujours la même, on a perdu l'envie. On se livre, on évite le pire. J'avance pour ceux qui m'aiment. Et je me démène pour mes proches et mon emblème. C'est pas une vie, toujours la même, on a perdu l'envie. Habitué à rôder, j'ai stoppé à Rodez. Le bis de la baisse, erreur jeunesse, on l'apprend dans les ZEP. L'odeur de la ZEP sous le préau, ou au marqueur, lâcher le blage dans les teuchios. Plus le choix, alors un jour c'est l'argent sale. Les sables, je suis sûr que ma mère le savait. Ça vend de la rime, en avance. Toujours de bonne humeur, ça c'est pas vrai, je pars en vrille, dégâts conflit. Je peux être gras et lourd comme un confit. C'est con, je me fie à trop peu de choses. L'amitié pour moi n'est bon qu'à petite dose. Faut que ça burns et qu'on en fasse une overdose. Mon son c'est l'horreur, c'est cause de rien de précis. Ronger son frein, le malaise social devient trop oppressant. Pression de m'avoir à sa déco. Imbécile, tu perds ton temps. Pense plutôt à m'écouter. C'est pas une vie, toujours la même, on a perdu l'envie. On se livre, on évite le pire. J'avance pour ceux qui m'aiment. Et je me démène pour mes proches et mon emblème. C'est pas une vie. C'est pas une vie, toujours la même, on a perdu l'envie. On se dit voilà, on évite le pire. J'avance pour ceux qui m'aiment. Et je me démène pour mes proches et mon emblème. Profonde tristesse, va demander aux gars, déteste. Mallette à vitesse grand V, père de tour de gens aimés. Alors je suis hal pour mon entité, entêté. C'est pas une vie, mais je me dois d'être en tête. Pas tous les jours à la fête. Et mes joues se creusent les soirs de défaite. C'est irréel, comment on peut être bien par moment. Et mal trop souvent. B1, c'est pas une vie. Pour mes proches combattraient, c'est promis. B1, c'est pas une vie. Deuxième partie. Eh oh!